Radiomatique. C'est sur la musique du groupe Swerve Driver que s'ouvrait la transmission 419 d'Audiomatic du plus récent album Future Ruins, sorti en 2018. Nous écoutions la pièce Merry Winter. Et maintenant, c'est au tour du groupe allemand Cannes d'assurer la continuité à Audiomatic. Thank you. Wir machen eine Pause von 20 Minuten jetzt. Und dann spielen wir weiter. Audiomatique, c'était le groupe norvégien Aura The Molecule, mené par l'artiste norvégienne guatémaltèque Nora Schelderup, et la chanson When Earth Took a Breath, qui se retrouve sur l'album double Human Safari, B-Sides and Remixes, qui, comme son titre l'indique, renferme des versions remixées de pièces apparaissant sur son premier album Human Safari, en plus de pièces inédites qui ont été composées et enregistrées pendant la même période. Précédemment à Aura The Molecule, il s'agissait du groupe allemand Can et la pièce 4 de leur album enregistré en concert Live in Cuxhaven 1976 qui est composé de 4 pièces d'improvisation musicale qui ont été interprétées lors d'un spectacle de Cannes en 1976 dans la ville de Cuxhaven, située au nord de l'Allemagne. Et allons-y maintenant avec la musique du groupe mené par le trompettiste américain Christian Scott. Thank you.

à Audiomatic avec les sonoristes. Nous venons tout juste d'écouter le groupe Bajo Fondo et sa pièce Bruma, apparaissant sur le premier album intitulé Bajo Fondo Tango Club, sorti en 2002. Et avant cela, nous entendions le quartet du trompettiste Christian Scott, accompagné par la flûtiste Elena Pinderhugues, qui nous interprétait la pièce Untress for Cara, tirée de l'album Axiom, enregistré en mars 2020 lors d'une série de concerts à New York. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe américain Evolfo. fresh with broken haze. Atop the shadow mountain burns the fire of better days. radiomatique au projet français Quinquis, mené par Émilie Quinquis, qui est d'origine bretonne et qui était également derrière le projet Tiny Feet. Quinquis nous offrait sa reprise de la chanson Take My Breath Away, qui a été originalement composée par Giorgio Moroder et Tom Whitlock et interprétée par le groupe américain Berlin en 1986. On retrouve cette reprise sur son plus récent mini-album Air, qui s'orthographie A-E-R, lancé le 8 septembre 2022. Tout juste avant, nous écoutions l'artiste anglais Daniel Avery. Nous entendions la chanson Chaos Energy à laquelle collaborent Kelly Lee Owens et Tinele Trussell, qui est derrière le projet AI, qui s'orthographie H-A-A-I. La pièce Chaos Energy est tirée du plus récent album de Daniel Avery intitulé Ultra Truth et sorti le 4 novembre 2022. Et pour commencer, c'était le groupe américain Evolfo et la pièce Orion's Belt qui a été ici enregistrée en direct à The Sound Home, qui est l'espace d'incubation créatif d'Evolfo situé dans la ville de Brooklyn dans l'État de New York. Cette version est disponible sur le plus récent mini-album d'Evolfo, The Changer, paru le 28 octobre 2022. La version originale d'Orion's Belt, quant à elle, est parue sur le deuxième album de Evolfo, Sight Out of Mind, lancé en 2021. Cette transmission d'Audiomatic se conclura sur la musique du groupe SITD, acronyme pour Shadows in the Dark. Nous écouterons ainsi la slow version de la pièce Venom, se retrouvant sur le maxi Odyssey 13 publié en 2005. La version originale, quant à elle, apparaît sur l'album Stronghold, paru en 2002. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur Facebook. .com/audiomatic-CFOU si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Et voici SITD et la pièce Venom Slow Version. C'était Audiomatic avec les sonoristes.